Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la guerre de Corée. In the simplest terms, what we're doing in Korea is this. We are trying to prevent a third world war. Their aggression against Korea is the boldest and most dangerous move the communists have yet made. Le président américain Harry Truman justifie l'intervention militaire américaine en Corée dans un discours qu'il prononce à la radio le 11 avril 1951. L'extrait qu'on vient d'entendre est très révélateur de l'état d'esprit qui règne à Washington au moment de la guerre de Corée déclenchée en pleine guerre froide. Washington juge que l'invasion de la Corée du Sud par les Nord-Coréens est une dangereuse provocation de Moscou et que l'intervention américaine dans ce conflit en Corée est le seul moyen d'éviter une escalade qui pourrait éventuellement conduire à une troisième guerre mondiale qui opposerait les États-Unis et l'URSS. À Washington, le climat de tension créé par l'attaque des Coréens du Nord contre la Corée du Sud ne s'est pas apaisé. M. Dean Acheson, chef du département d'État, M. Johnson, secrétaire à la Défense, et le président Truman suivent heure par heure le déroulement des opérations. L'émotion a gagné l'Angleterre et la foule stationne continuellement devant le 10 Downing Street où le 28 juin, M. Attlee décidait d'apporter le concours de la marine britannique aux États-Unis. Pendant ce temps, en Corée, les opérations se poursuivaient et fortement appuyées par leur aviation, composée d'appareils de construction soviétique, les Coréens du Nord, rencontrant sur les routes la foule des réfugiés, progressaient après avoir occupé Séoul, la capitale, en direction de Taejon, nouveau siège du gouvernement sudiste. Le 29 juin à Washington, pour mettre fin à une situation qui risquait de devenir critique, le président Truman annonçait officiellement sa décision d'envoyer en Corée des forces d'infanterie pour appuyer les armées sudistes. Aussitôt, à son quartier général de Tokyo, le général MacArthur, commandant en chef des forces américaines du Pacifique, organisait le départ des premiers contingents vers les côtes coréennes. Des effectifs correspondant à plus d'une division ont déjà pris pied en Corée, et on prévoit dès maintenant des envois massifs de troupes. Le pays du matin calme est devenu le siège d'un véritable conflit intéressant l'avenir de tout l'Extrême-Orient. Ce petit film d'actualité de la Paramount, produit en juillet 1950, témoigne assez bien de l'état d'esprit qui règne au moment du début de la guerre de Corée pour nous raconter le déroulement plutôt spectaculaire, il faut le dire, de cette guerre à laquelle va participer le Canada. Mon invité est Benoît Hardy-Chartrand, spécialiste des questions géopolitiques en Asie du Nord-Est et chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l'Université du Québec à Montréal. Benoît Hardy-Chartrand, bonjour. Bonjour, M. Beauchamp. La guerre de Corée, ça occupe une place assez particulière, il faut le dire tout de suite dans le 20e siècle. De quelle manière, comment décrire la spécificité de cette guerre-là? Bien, en fait, ça a été l'une des guerres emblématiques de la guerre froide, une guerre qui a été extrêmement meurtrière et surtout une guerre qui a encore aujourd'hui une influence énorme sur le déroulement des choses en Asie du Nord-Est actuellement, sur la péninsule coréenne, principalement parce que c'était une guerre qui officiellement dure encore, puisqu'elle s'est terminée sur un armistice, donc une interruption des hostilités et non pas un traité de paix auquel on n'est jamais parvenu. Donc c'est une guerre inachevée, voilà. C'est ce qui la rend aussi intéressante effectivement. Comment on en arrive à cette guerre-là? Cette guerre-là tire ses origines de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'abord, la Corée avait été colonisée par le Japon de 1910 à 1945. Donc, vers la fin de la guerre, toute la Corée était occupée par l'armée impériale du Japon. Et vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les alliés, donc principalement les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie, et l'Union soviétique, commence à discuter de l'ordre post-Deuxième Guerre mondiale, de l'après-guerre, y compris les possessions coloniales du Japon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que durant certaines conférences, dont principalement la conférence de Yalta en février 1945, les Américains ont demandé aux Soviétiques d'entrer dans la guerre du Pacifique et déclarer la guerre aux Japonais. Ce que les Soviétiques ont fait le 8 août 1945. Et ça a mené finalement à l'entrée sur le territoire nord-coréen, sur le territoire coréen des Soviétiques. Et de la division de la péninsule, les Américains et les Soviétiques se sont entendus sur leurs zones d'influence respectives, et donc avec un système soviétique au nord et les capitalistes au sud. Et c'était vraiment le début de l'opposition entre les deux pays qui a éventuellement mené à la guerre. Un peu comme, en vous écoutant, on peut penser par exemple à ce qui se passera en Allemagne, une libération donc conjointe, les Soviétiques d'un côté, les Occidentaux de l'autre. Voilà. C'est la même chose pour ce qui est des Corées, puisqu'il y aura deux Corées maintenant. Parlons-en de ces deux Corées-là. Au moment du déclenchement des hostilités, comment décrire les deux régimes qui sont en place, Benoît Hardy-Chartrand, à Séoul au sud et à Pyongyang au nord? Donc, au nord, puisque c'était les Soviétiques qui avaient installé ce régime-là et qui s'étaient installés jusque à la ligne, le 38e parallèle, ils avaient installé donc un régime qui était mené par Kim Il-sung, qui était un ancien, qui était un major, en fait, dans l'armée soviétique. Il avait combattu précédemment également l'impérialisme japonais et les troupes japonaises. Et il était donc un personnage assez important dans la guérilla anti-japonaise. Ouais. On pensait qu'en le plaçant au nord, donc il allait être plutôt relativement facile à contrôler pour les Soviétiques. Et donc, ils l'ont placé au nord et il a commencé à bâtir un régime modelé vraiment sur l'Union soviétique. Alors qu'en opposition au sud, les Américains qui avaient leur sphère d'influence jusqu'au 38e parallèle, eux ont installé Syngman Rhee, qui était le premier président et dictateur de la Corée du Sud, et donc un système très capitaliste, farouchement anticommuniste, et encore à l'époque très dictatorial et répressif. Oui. Deux hommes forts, deux dictateurs, en fait, au sud comme au nord, à ce moment-là, avec la particularité que le nord appartient à cet hémisphère et sous l'influence soviétique, alors que le sud est sous l'influence américaine et occidentale. Le 25 juin 1950, la Corée du Nord décide d'envahir la Corée du Sud. Pourquoi? Donc, depuis déjà la division en 1945, les deux pays, les deux côtés, en fait, la Corée du Sud et la Corée du Nord, n'étaient absolument pas satisfaites avec cette division-là. Les deux pays souhaitaient réunifier la péninsule sous leur contrôle. Et donc, dans les faits, entre 1945 et 1950, il y a eu énormément d'escarmouches et de violences tout au long de la frontière. Et d'ailleurs, même avant même que la guerre se déclenche le 25 juin 1950, il y a eu environ 10 000 morts causé par ces affrontements-là autour de la frontière. Le Nord, depuis longtemps, lui et Kim Il-sung voulaient donc envahir le Sud. Il avait demandé l'accord, en fait, de Staline. Il a fini par obtenir l'accord de Staline. Et donc, le 25 juin déclenche la guerre. À ce moment-là, la Corée du Sud n'est absolument pas prête à faire face à cette opposition. L'armée nord-coréenne était assez puissante à l'époque. Elle avait obtenu l'appui des Soviétiques. Et donc, très rapidement, ça tourne à l'avantage de la Corée du Nord. Ouais. Puis on va voir, parce que c'est assez spectaculaire ce qui va se dérouler sur le terrain dans les mois qui suivront. Il y a une série de revirements de situation. Mais un petit mot quand même, vous dites la Corée du Sud, à ce moment-là, n'a absolument pas les moyens de se défendre. La communauté internationale est consciente de ça. Et très, très vite, le Conseil de sécurité des Nations unies est saisi de cette affaire-là. Et très, très vite, on décide de l'intervention d'une force internationale pour rétablir la paix en Corée. Pourquoi la communauté internationale décide de s'engager dans ce conflit-là? Et mystère, en tout cas, a priori, on comprend pas trop pourquoi Moscou ne décide pas d'user de son droit de veto au Conseil de sécurité pour bloquer cette résolution qui crée cette force internationale de paix. Oui. Donc, très rapidement, les Américains perçoivent cette invasion de la Corée du Nord comme une très grande menace. On se rappelle qu'en 1950, c'était le début de la guerre froide et donc c'était perçu comme une volonté, possiblement on voyait en fait l'invasion nord-coréenne comme étant une invasion de l'Union soviétique. On pensait que l'Union soviétique était derrière ça et donc c'était perçu comme étant extrêmement menaçant. Donc, on est allé rapidement à l'ONU et à l'époque, l'Union soviétique boycottait le Conseil de sécurité, ce qui explique pourquoi l'Union soviétique n'a pas apposé son veto. Et donc, la résolution, en fait, deux résolutions ont été adoptées et ça a mené donc à une coalition internationale qui était dominée, bien évidemment, par les Américains, mais une coalition de 22 pays quand même, dont le Canada, qui ont envoyé des troupes pour repousser l'invasion nord-coréenne. Et cette intervention internationale dirigée par les Américains et le général MacArthur commence à la mi-septembre. Comment ça se déroule? C'est intéressant parce que très rapidement, il y a eu, comme vous l'avez mentionné, plusieurs revirements dans le déroulement de la guerre. Au départ, donc, je mentionnais que la Corée du Sud et son armée étaient complètement désemparées. Et en quelques jours, l'armée nord-coréenne réussit à saisir et à contrôler Séoul et se rend jusque à la pointe sud de la Corée du Sud, donc à la ville de Busan, qui est la deuxième ville en importance de la Corée du Sud. Et il restait donc une toute petite enclave à la Corée du Sud que les Sud-Coréens ainsi que les Américains arrivaient à tenir. Et donc, ça, c'est jusqu'à l'arrivée en guerre où, en fait, une fameuse manœuvre du général Douglas MacArthur qui a fait le fameux débarquement de Incheon et qui a coupé les lignes de communication de la Corée du Nord et qui a provoqué, finalement, un revirement total de la situation. Les Américains ont réussi à repousser les Nord-Coréens jusque non seulement reprendre Séoul, mais l'ont repoussé jusqu'à la frontière avec la Chine et la rivière Yalu. Donc, renversement complet. Renversement complet. Les Américains, en fait, les Alliés, la Corée du Sud principalement, étaient sur le bord de perdre complètement la Corée du Sud avant ce revirement de situation. Et donc, on remonte jusqu'à la Chine. C'est vraiment autant les Coréens du Nord étaient allés jusqu'à l'extrémité sud de la Corée. Là, c'est le retour d'ascenseur, littéralement. Tout à fait. On remonte jusqu'à la Chine, ou presque. Cela dit, c'est pas terminé. Autre revirement. À la fin de novembre 1950, les Nord-Coréens qui se joignent à leurs alliés communistes chinois pour lancer une contre-offensive. Et là, c'est reparti, mon kiki. Là. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que donc l'armée chinoise qui est arrivée en guerre. D'abord, la Chine de Mao Zedong n'a jamais admis qu'elle était en guerre. Elle disait que c'était des volontaires chinois qui étaient entrés pour appuyer les Nord-Coréens. Mais ça a vraiment changé le cours des choses, en effet, parce que c'était vraiment des offensives massives qui ont été menées par la Chine. On parlait à l'époque de tactiques de vagues humaines, c'est-à-dire que c'était des tactiques assez rudimentaires. On envoyait des milliers de soldats, souvent durant la nuit, pour tenter de désemparer les troupes américaines et sud-coréennes. Et donc, grâce à l'entrée en guerre de la Chine, on a rapidement repoussé les Américains jusqu'au sud de Séoul. Alors, vous voyez que très rapidement, en à peine 5 mois après le début de la guerre, tout a changé. Oui. Et ce qui fait que le président Truman, devant la tournure des événements sur le terrain, décide d'agir. D'abord, il va rappeler le général MacArthur en avril 51, le remplacer par le général Matthew Ridgway. Mais malgré ce changement de direction des troupes sur le terrain, les motifs puis on revient à cet extrait qu'on entendait au tout début de l'émission. Les motifs de l'intervention américaine restent les mêmes. On écoute donc à nouveau et plus longuement le président américain Harry Truman à l'occasion d'un discours prononcé à la radio le 11 avril 1951. In the simplest terms, what we're doing in Korea is this. We are trying to prevent a third world war. En termes clairs, notre intervention en Corée se résume ainsi. Nous voulons prévenir une troisième guerre mondiale. Les communistes du Kremlin sont déterminés, dans leur sombre conspiration, à éradiquer la liberté partout dans le monde. S'ils réussissaient, les États-Unis pourraient compter parmi leurs principales victimes. Il doit être clair pour tout le monde que les États-Unis ne peuvent et ne doivent pas rester inactifs et attendre une conquête étrangère. That the United States cannot and will not sit idly by and await foreign conquest. The only question is, when is the best time to meet the threat and how is the best time to meet it? La seule question que l'on doit se poser est la suivante. Quel est le meilleur moment pour affronter la menace et quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Le meilleur moment, c'est au début du conflit. Il est plus facile d'éteindre un petit feu qu'un énorme brasier. Et la meilleure façon de faire face à l'agression est de faire en sorte que les nations pacifiques agissent ensemble. Si elles ne le font pas, elles tomberont les unes après les autres. L'attaque contre la Corée est, à ce jour, le geste le plus audacieux et le plus dangereux mené par les communistes. Cette attaque contre la Corée s'insère dans un vaste plan qui vise la conquête de l'Asie tout entière. L'attaque contre la Corée était une partie d'un plan plus grand pour conquérir toute l'Asie. Que dire, avec le recul, des motifs pour lesquels les Américains s'engagent dans cette guerre de Corée, Benoît Hardy-Chartrand? Est-ce que ce qu'on vient d'entendre, au fond, les appréhensions des Américains, avec le recul, dans quelle mesure elles sont justifiées? De façon générale, je dirais que ces appréhensions-là sont justifiées, même s'il y avait une certaine exagération. On n'était pas encore dans la chasse aux sorcières aux États-Unis, mais c'était quand même cette ambiance-là, c'est-à-dire que les Américains percevaient l'Union soviétique comme étant fondamentalement pernicieuse et avec des intentions tout à fait mauvaises. Et donc, on s'imaginait que l'Union soviétique, ainsi que la Chine, à l'époque, c'était pas encore le schisme, mais on s'imaginait qu'elle voulait étendre leur influence partout dans le monde. Et donc, la péninsule coréenne était perçue comme un front très important de cette volonté du bloc communiste d'augmenter son influence. C'est un test. Il faut tirer une ligne. Il faut tout de suite résister. Il l'a dit, Truman. Voilà. Fermez la porte. Exactement. On sentait tout de suite qu'il fallait empêcher d'aller plus loin. C'est d'ailleurs pour ça, si je retourne en 1945, qu'on a voulu tout de suite mettre la ligne au 38e parallèle. On avait peur que les Soviétiques descendent plus bas sur la péninsule coréenne. On l'a signalé. Le Canada, évidemment, va participer à cette guerre de Corée. Quelle sera la nature et l'importance de notre engagement? On en parle dans un instant, mais d'abord, on écoute pour se faire plaisir, puis parce que ça nous donne une très bonne idée de ce à quoi ressemble cette guerre sur le terrain. On écoute un extrait de reportage de René Lévesque, réalisé en Corée, diffusé en septembre 1951. Au flanc de la colline, tout le monde dormait. Les rapports parvenaient d'heure en heure, demi-heure en demi-heure, des compagnies qui sont en avant. L'artillerie tirait, à l'occasion, une des compagnies, celle qui se trouve à Toronto, justement, a trouvé un Chinois mort devant ses lignes, sans identification. Ça et là, il y a eu quelques accrochages légers. Et vers 5h30, le jour a commencé à paraître. Et rapidement, les formes se sont précisées, les collines sont sorties de l'ombre, les montagnes un peu plus loin. Et maintenant, c'est de nouveau le matin, une batterie près de Limjin a commencé à tirer sur un objectif qu'on ne voit pas. Le quartier général tactique du bataillon est remonté à ses positions d'hier et une nouvelle journée de cette opération de patrouille du Royal Canadien commence. On va parler dans un instant du degré d'engagement du Canada dans cette guerre de Corée, mais avec ce qu'on vient d'entendre, on a juste envie, Benoît Hardy-Chartrand, de voir à quoi ça ressemble très concrètement au quotidien, cette guerre de Corée. C'était une guerre extrêmement brutale, extrêmement difficile, entre autres à cause de la géographie même de la péninsule coréenne. C'est un pays extrêmement montagneux, un pays où il n'y a pas vraiment très peu de plaines, d'endroits plats, ce qui faisait que c'était des guerres dans lesquelles on était caché dans les forêts, dans les montagnes, et ce qui fait que plusieurs des batailles emblématiques de la guerre de Corée ont provoqué énormément de morts, plus que ça aurait été le cas dans un autre terrain. Et d'ailleurs, certains spécialistes militaires disent que si on aurait voulu choisir le pire endroit pour mener une guerre, ça aurait été en effet la péninsule coréenne. Quel rôle on aura? Quelle sera l'importance de notre participation, le Canada, dans cette guerre? Donc, le Canada a offert ou a envoyé jusqu'à 26 000 soldats pour combattre sur la péninsule coréenne, des soldats qui sont restés un peu après la guerre de Corée, jusqu'en 1956. Et donc, une participation tout de même assez importante dans le contingent de 22 pays qui ont participé à la coalition des Nations unies. Mm-hmm. Et 516 soldats canadiens ont perdu la vie durant les combats. La guerre va finir par finir, mais ce sera long. Il y aura des négociations, puis à un moment donné, on est pas mal autour vous me corrigerez, mais du 38e parallèle. Ouais, c'est un peu une guerre de tranchées, malgré ce terrain, ce relief accidenté dont vous nous parliez. 2 ans de négociations pour en arriver à un accord de cessez-le-feu, c'est très long. Pourquoi c'est si long? C'est en effet extrêmement long, et c'est très particulier lorsqu'on regarde le déroulement de tout ça et de la guerre. Vous mentionnez 2 ans. C'est vraiment durant la première année de la guerre que les déplacements de troupes et les prises de territoire ont vraiment eu lieu. Durant les 2 dernières années, si on regarde le mouvement de troupes, c'est à peu près nul. Ouais. On a monté de quelques kilomètres ici et là, mais en gros, c'était à peu près les mêmes endroits que les troupes tenaient durant ces 2 ans-là. Mais malgré les négociations, les combats continuaient, même s'il n'y avait pas d'avancée, et les morts continuaient de s'empiler pendant ce temps-là. Ce qui créait vraiment les retards, ce qui a causé beaucoup de problèmes, c'était en grande partie dû aux prisonniers. Il y avait énormément de prisonniers de guerre nord-coréens au sud. Les nord-coréens voulaient les rapatrier tous, alors que on s'opposait à ça au sud. Alors, en grande partie, les négociations ont achoppé sur la question des prisonniers de guerre. Et c'est la mort de Staline qui va permettre un déblocage. ultimement. Oui, en effet. Donc, finalement, en bout de ligne, le 27 juillet 1953, on parvient à signer un armistice. Un armistice qu'a consigné la Corée du Nord, l'Union soviétique et les États-Unis. Mais la Corée du Sud n'a pas signé cet armistice. Et ça dit quoi, cette entente-là? Cet armistice, donc, met fin à la guerre. C'est une interruption des hostilités. C'est un cessez-le-feu. Donc, c'est une entente qui a été signée par les autorités militaires, essentiellement. Donc, on n'est jamais parvenu à une entente totale, mm-hmm. c'est-à-dire qui allait permettre aux deux parties, aux autres parties également, de s'entendre sur la suite des choses. Mm-hmm. Alors vraiment, ça explique en partie la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc c'est pas un accord de paix, c'est un accord de cessez-le-feu. Il y a quand même cette zone qui c'est la situation effectivement actuelle. Là. Il y a une zone tampon autour du 38e parallèle. La zone démilitarisée avec 2 kilomètres de zone tampon de chaque côté de la zone, donc ça fait en tout une zone de 4 kilomètres de large. C'est en effet un no man's land dans lequel il n'y a que des mines et de chaque côté, les deux armées se tensent donc depuis ce temps-là. Petite parenthèse, Benoît Hardy-Chartrand, on va revenir sur ce qui reste de tout ça dans les deux Corées de cette guerre dans un instant, mais une petite parenthèse qui vaut le détour parce qu'on l'oublie avec le temps. Au moment de la guerre de Corée, le lion économique, c'est la Corée du Nord. Absolument. Grande supériorité par rapport à la Corée du Sud qui meurt de faim ou à peu près. Ça va durer jusque dans les années 70. Comment on explique cette supériorité nord-coréenne à ce moment-là? Puis qu'est-ce qui fait que ça va basculer? Oui, en effet, en Corée du Nord, d'abord après la guerre de Corée, la Corée du Nord était complètement détruite, mais ils ont un appui massif de l'Union soviétique, de la Chine, mais aussi de d'autres pays socialistes. Donc cette solidarité internationale socialiste a beaucoup aidé la reconstruction de la Corée du Nord. Ils se sont construits une économie planifiée basée sur le modèle soviétique. Ils ont reconstruit l'industrie très rapidement. Et donc, en effet, jusque dans les années 70, la Corée du Nord était plus riche, obtenait plus de succès que le Sud. Au Sud, pendant ce temps-là, il y avait énormément de tourmentes à l'intérieur du pays. Ce qui a fait vraiment basculer les choses, c'est les politiques économiques du dictateur Park Chung-hee au Sud, qui, malgré la répression de ce dictateur-là, a vraiment permis de mettre la Corée du Sud sur les rails du développement fulgurant économique que l'on connaît aujourd'hui. La Corée du Sud, qui est maintenant la 11e ou 12e économie du monde, qui est tout le contraire de ce que l'on voit en Corée du Nord. Il reste quoi de cette guerre qui, encore une fois, c'est assez particulier, n'est pas techniquement achevée, terminée? Comment c'est perçu aujourd'hui cette guerre-là dans les deux Corées? Oui, la guerre de Corée occupe une place extrêmement importante en Corée du Nord, principalement. C'est une guerre dont on parle constamment. Le régime veut constamment rappeler à la population les bombardements, entre autres, commis par les Américains. Et ça explique en grande partie pourquoi il y a une haine si viscérale en Corée du Nord des Américains. Une haine qui est alimentée volontairement, bien mm-hmm. entendu, par le régime, qui a besoin de cet ennemi américain-là pour justifier son contrôle et la répression de la population. Donc, une place excessivement importante, beaucoup plus grande que ce que l'on voit au Sud, même si l'histoire continue d'occuper une certaine place. Ce n'est pas du tout le même traitement de l'histoire qu'on a au Nord. Et très intéressant de mentionner aussi, au Nord, historiquement, on a complètement renversé l'histoire. On dit que c'est la Corée du Sud qui a envahi le Nord le 25 juin 1950. Donc, c'est vraiment une reconstruction de l'histoire qu'on fait sur tous les plans au Nord. Benoît Hardy-Chartrand, chargé de cours à l'Université de Montréal, chercheur associé à la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.